À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. De maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Décréter qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. Seule chose reste interdite. Aimer sans amour.